Voici votre bulletin régional. En mars, à la galerie Le Harfang de Weedon, on présentera les œuvres de l'artiste-peintre Eddie Dion. À Hastings, du 2 au 6 mars, ce sont les activités pour la semaine de relâche en folie. Les inscriptions ont eu lieu du 2 au 6 février. Première clinique Impo, offerte gratuitement par le Centre d'action bénévole du Haut-Saint-François à Hastings, le 2 mars, de 13 à 16 heures, et de 18h30 à 20h à la Maison des jeunes Actimage, ancienne Légion canadienne. Critères d'admissibilité: une personne seule, 25 000 $, un couple, 30 000 $ et 2 000 $ pour chaque enfant à charge, un adulte avec enfant, 30 000 $, et chaque personne à charge supplémentaire, 2 000 $. Maximum de 1 000 $ d'intérêt. Aucun revenu de location ou de travailleur autonome ne sera accepté. Début de la campagne d'inscription de distribution de barils récupérateurs d'eau de pluie, le 2 mars, à Hastings, 30 $ du baril. Inscription obligatoire et disponibilité à confirmer.